Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG. Dans ce nouveau numéro, cap sur un tout nouvel événement qui s'invite dans la vie culturelle amboisienne, la première édition du festival de théâtre amateur Carte Blanche qui se tiendra les 7 et 8 juin à Amboise. C'est lors du festival Manger Sain et Local au lycée agricole que nous avons croisé Lionel Chisson, adjoint à la culture. Il nous raconte pourquoi cette première édition lui tient tout particulièrement à cœur et ce que le théâtre amateur a à offrir à notre territoire. Alors Lionel, prochain événement à venir dont vous souhaitez nous parler, c'est le festival de théâtre amateur Carte Blanche. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette initiative et comment ça va se passer ? Alors c'est une initiative qu'on a lancée au niveau de la mairie d'Amboise, bien évidemment avec le service culturel. On avait une vraie volonté d'ouvrir notre théâtre à la pratique amateur et permettre à des troupes qui d'habitude jouent dans des salles qui sont diverses et variées, mais là leur permettre d'accéder au théâtre, à un vrai théâtre, entre guillemets professionnel, pour pouvoir bénéficier d'infrastructures et de vraiment pouvoir valoriser leur travail de théâtre amateur qui est souvent de très belle qualité. Quand on parle d'infrastructure, on parle aussi de la technique qui va avec, la présence de techniciens. Oui, tout à fait. C'est la possibilité de pouvoir jouer avec un plan de feu. Alors, ce sera des plans de feu simples puisqu'il y a plusieurs spectacles qui se suivent, mais n'empêche un plan de feu, donc un éclairage, on va dire, professionnel, avec un régisseur professionnel, Rodolphe, notre régisseur. Et puis également, tout cet environnement technique qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir, quoi. Donc c'est vraiment l'idée d'ouvrir nos institutions. Et une autre façon d'ouvrir nos institutions, c'est de permettre à des amateurs, alors ça se fait déjà dans le cadre des écoles de théâtre, par exemple la MJC ou l'école, le Pôle des Arts Paul Gaudet, qui ont des classes de théâtre, ils accèdent au théâtre. Mais là, c'était vraiment toucher les troupes amateurs, pour qui c'est toujours un peu plus compliqué d'accéder à des infrastructures du type de notre théâtre, par exemple, de pouvoir leur permettre de s'exprimer sur un théâtre avec cet environnement professionnel, quoi. Tout à fait. Pour le coup, on a vraiment co-construit avec des troupes locales, puisque ça s'adresse d'abord et avant tout à des troupes locales. On a fait plusieurs réunions de co-construction pour réfléchir avec eux au programme, à comment on allait fonctionner, etc. Donc il y avait aussi cette dimension un peu participative. On souhaitait que ce ne soit pas juste un festival plaqué par la ville, mais aussi co-construit avec des troupes locales qui s'engageaient dans la démarche. On y retrouve notamment les Noisigolos qu'on a l'occasion d'accueillir régulièrement sur Radioactive. Alors là, on parle de troupe amateur. Attention, on ne parle pas d'un comédien qui serait en freelance, en solo et qui viendrait produire un sketch, une scénette ou je ne sais quoi. Alors effectivement, on est vraiment sur des troupes amateurs. Alors on a un spectacle qui est un seul en scène, mais on reste sur de la proposition amateur. C'était vraiment le souhait, c'est plus des propositions adultes. Et plus des troupes et des amateurs, clairement, avec quand même, on associe, et ça c'est une très bonne chose, les jeunes, puisque comme tout festival, il y a plusieurs pièces de théâtre qui seront jouées, et entre les pièces de théâtre, il y aura des intermèdes, trois intermèdes, dont deux des trois intermèdes, ce sera les jeunes de la troupe de Saint-Ouen, les Comédouins, et les jeunes de la troupe de Noisette, des Noisigolos, qui joueront le premier jour. Et puis le deuxième jour, c'est un autre projet qu'on a mené sur la ville d'Amboise autour de la création de textes, plutôt autour du théâtre, avec Stéphane Hervé, où on avait embarqué une douzaine de personnes du territoire qui ont participé. Très bon retour sur ces ateliers, effectivement. Et donc, pour le coup, ces ateliers, ça a permis la création de textes qu'on pourra présenter donc le deuxième jour, le dimanche, lors de l'intermède, pour valoriser aussi ce travail, quoi. Alors, quel type de spectacle on pourra avoir ? Alors, on a appelé ça carte blanche parce que l'idée, c'était de pouvoir aussi laisser une certaine liberté de proposition. Donc, on aura des choses un petit peu diverses. Pas mal de spectacles avec quand même une dimension un petit peu humoristique. Ça sera le cas des quinquas de la troupe, donc des Noisigolos de Noiset. Donc là, on est clairement sur le territoire du Val d'Amboise. Ça sera aussi un petit peu le cas avec Renata, où on est sur un spectacle plutôt comédie, voir un petit peu vaudeville. Et là, on est sur une troupe datée, donc tout petit peu plus loin. Et puis, on a aussi les poupées anciennes. Là, on est sur proposition plutôt amboisienne, où là, on est aussi encore sur un spectacle plutôt d'humour. Néanmoins, on a aussi d'autres spectacles. On a Verti, qui est une amboisienne, Donc là, on est sur un seul en scène, sur du clown, mais un clown qui va sur d'autres terrains que ceux dont on a l'habitude et qui fait un vrai spectacle, un beau spectacle autour de la condition féminine et de la difficulté de la condition féminine. Et là, on est sur quelque chose de vraiment très très différent en termes de propositions. Et puis on a un dernier spectacle, c'est une troupe de Rochecorbon, les Augustes Némésis, qui lui est autour de la thématique de la féminité et des droits des femmes, des violences faites aux femmes, ce qui s'appelle Liberté, Égalité, Féminité. C'est un très très beau spectacle. Décidément, les femmes sont à l'honneur cette année. Alors oui, les femmes sont à l'honneur dans les propositions, parce que finalement, quand on a co-construit, on a eu beaucoup de femmes qui étaient aussi impliquées dans le projet. Et puis même dans les propositions, il y a effectivement une dimension à la fois avec beaucoup de femmes et aussi des propositions qui sont quand même plutôt engagées, et je pense que c'est une bonne chose et on y souscrit totalement, contre les violences faites aux femmes, pour l'égalité hommes-femmes, etc., etc. Et puis sur le territoire d'Amboise, on pense à nos amis de La Belle Poule et de leur cycle d'animation autour de la mise en valeur des femmes au travers des rendez-vous qu'ils proposent et pour lesquels ils ont été lauréats du budget participatif. Petite parenthèse. Oui, effectivement, La Belle Poule, elle a été lauréate du budget participatif pour soutenir leur projet autour des femmes de Touraine, valorisation de parcours féminin dans notre région. Et pour le coup, effectivement, il y a une continuité. Aujourd'hui, on avait aussi des conférences à la médiathèque autour des femmes résistantes. Et je pense que c'est bien de mettre à l'honneur les femmes dans nos propositions culturelles. Et donc, voilà, c'est une bonne chose. Donc là-dessus, on en est très content en tout cas. Y compris au théâtre. Alors, ce festival Carte Blanche, quelles sont les conditions pour y assister? Est-ce qu'il y a des réservations à faire? Est-ce qu'il y a un tarif à acquitter pour pouvoir assister à ces représentations? Il n'y a pas de réservation. Carte blanche, donc c'est le 7 et le 8 juin, donc à chaque fois l'après-midi. Donc le 7 juin, il y a 3 pièces, plus les deux intermèdes avec les jeunes, comme je disais tout à l'heure. Et le dimanche, il y a 2 pièces, avec un intermède autour des textes travaillés avec Stéphane Hervé. À chaque fois, c'est gratuit, c'est une entrée libre. Et il y aura également une possibilité pour ceux qui le souhaitent et qui en ont les moyens, bien évidemment, de participer, mais vraiment de façon libre, sachant que c'est quelque chose qui est plus organisé par les troupes et à destination des troupes. Okay. De toute façon, c'est totalement libre. Donc, mais n'hésitez pas à venir, on a quand même un grand théâtre, donc je pense qu'il y aura de la place. Si vous voulez être vraiment sûr, vous pouvez toujours réserver une place à l'avance, mais normalement, je pense que ça sera bon, mais on espère avoir quand même beaucoup de monde. Et puis après, c'est vraiment participation libre, donc à chacun, s'il le peut, de pouvoir soutenir les troupes, puisque c'est ça l'idée en fait. Très bien, merci Lionel Chisson. On se retrouve très prochainement sur l'antenne de Radioactif pour parler de Tous dans le Van et de sa belle programmation pour cette année encore. Tout à fait, on va avoir Tous dans le Van qui va un petit peu lancer la saison estivale. Et donc, ce sera l'occasion de parler et de Tous dans le Van et puis de tout ce qu'on propose pour cet été au niveau de la culture sur la ville d'Amboise. Merci beaucoup. Merci. Avec cette première édition de Carte Blanche, Amboise donne donc un bel élan au théâtre amateur dans un esprit de convivialité, de découverte et de passion partagée. Merci à Lionel Chisson pour son enthousiasme communicatif et rendez-vous les 7 et 8 juin pour applaudir celles et ceux qui montent sur scène avec l'envie de transmettre, d'émouvoir et de faire rire. C'est la fin de ce mag, rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition.